Venture, qui s'était couché fort tard la veille, rentra peu de temps après moi. Pour cette fois, je ne le vis pas avec le même plaisir qu'à l'ordinaire, et je me gardai de lui dire comment j'avais passé ma journée. Ces demoiselles m'avaient parlé de lui avec peu d'estime, et m'avaient paru mécontentes de me savoir en si mauvaises mains. Cela lui fit tort dans mon esprit. D'ailleurs, tout ce qui me distrayait d'elle ne pouvait que m'être désagréable. Cependant, il me rappela bientôt à lui et à moi en me parlant de ma situation. Elle était trop critique pour pouvoir durer. Quoique je dépensasse très peu de choses, mon petit pécule achevait de s'épuiser. J'étais sans ressources. Point de nouvelles de maman. Je ne savais que devenir. Et je sentais un cruel serrement de cœur de voir l'ami de Mademoiselle Gallet réduit à l'aumône. Venture me dit qu'il avait parlé de moi à monsieur le juge Mage, qu'il voulait m'y mener dîner le lendemain, que c'était un homme en état de me rendre service par ses amis, d'ailleurs une bonne connaissance à faire, un homme d'esprit et de lettres, d'un commerce fort agréable, qui avait des talents et qui les aimait. Puis, mêlant à son ordinaire, aux choses les plus sérieuses, la plus mince frivolité, il me fit voir un joli couplet, venu de Paris, sur un air d'un opéra de Mouret qu'on jouait alors. Ce couplet avait plu si fort à M. Simon, c'était le nom du juge Mage, qui voulait en faire un autre en réponse sur le même air. Il avait dit à Venture d'en faire aussi un, et la folie prit à celui-ci de m'en faire faire un troisième, afin, disait-il, qu'on vît les couplets arriver le lendemain, comme les brancards du roman comique. La nuit, ne pouvant dormir, je fis comme je pus mon couplet. Pour les premiers vers que j'eusse faits, ils étaient passables, meilleurs même, ou du moins faits, avec plus de goût qu'ils n'auraient été la veille. Le sujet, roulant sur une situation fort tendre, à laquelle mon cœur était déjà tout disposé. Je montrai le matin mon couplet à Venture, qui, le trouvant joli, le mit dans sa poche, sans me dire s'il avait fait le sien. Nous allâmes dîner chez M. Simon, qui nous reçut bien. La conversation fut agréable. Elle ne pouvait manquer de l'être entre deux hommes d'esprit à qui la lecture avait profité. Pour moi, je faisais mon rôle, j'écoutais et je me taisais. Ils ne parlèrent de couplets ni l'un ni l'autre. Je n'en parlais point non plus. Et jamais, que je sache, il n'a été question du mien.